6h du matin, le noir dans la maison. Du sang sur les murs, le placard est sous. J'aurais jamais dû dire ces histoires qui font. Maintenant je dors plus, y a-t-il une entité caché quelque part tout près de moi. Je ne craignais pas les requins, je n'avais pas peur du noir. Je voulais juste me marrer avec ses coquilles collées. Je ne peux sortir du lit lorsque dehors il fait noir. J'en lirai plus jamais, putain le creepypasta. Tous mes Pokémon se sont fait tuer. Un dieu psychopathe, des habitantes et... L'homme de minuit me cherche dans les couloirs. Dans ce miroir-là, un reflet bizarre. J'aurais jamais dû lire ces histoires. Maintenant je dors plus. Est-ce qu'il y a qu'un de Jack qui va me m'attraper? Je ne craignais pas les revenants, je n'avais pas peur du noir. Je voulais juste me marrer avec ses copier-coller. Je n'ose plus sortir du lit lorsque dehors il fait noir. J'en lirai plus jamais, putain le creepypasta. Jamais dû lire ces histoires qui m'ont flippé. Maintenant je dors plus. Y a-t-il une entité cachée quelque part tout près de moi? Je ne craignais pas les revenants, je n'avais pas peur du noir. Je voulais juste me marrer avec ses copier-coller. Je n'ose plus sortir du lit lorsque dehors il fait noir. J'en lirai plus jamais, putain le creepypasta. Je craignais pas les revenants, je n'avais pas peur du noir. Je voulais juste me marrer avec ses copier-coller. Je suis sorti du lit lorsque dehors il fait noir. J'en lirai plus jamais, putain le creepypasta.